Lorsqu'il entre, la foule s'enflamme. Deux voix s'unissent, désir et flamme. Chaque souffle coûte, chaque mot caresse. Le public vibre, brûlant tendresse. Chaque mot frappe, court et précis. Chaque souffle glisse, désir infime. Non. Rider's skill, charme, son nom s'impose. La foule rugit, la passion explose. Explose. Ton souffle m'appelle, tes mots m'attirent. Chaque note brûle, prête à séduire. La nuit s'enroule autour de mes lèvres. Chaque mot tremble, chaque son s'élève. Riders qu'il parle, ses murmures m'embrassent. La foule s'éclaire, la passion s'enclasse. Chaque souffle grave, chaque mot précis. Nos voix s'enchaînent, ivresse infinie. Feel the fire, feel the flame. S'enchaîne, désir infini. Nos voix s'élèvent, caresses brûlantes. Chaque note attire, seconde enivrant. Rider's skill charme, son nom résonne. La foule succombe, chaque cri tonne. Chaque mot frappe, désir sincère. Chaque souffle rend. Nos âmes. Rider's skill charme, son nom demeure. La foule rugit, guidée par l'ardeur. Feel the fire, charme, son nom s'élève, la foule succombe. Le désir